Nous allons commencer l'émission tout de suite avec une chronique sur les médias indépendants qui aura lieu à tous les lundis, le dernier lundi du mois, dans l'émission que j'animerai pendant tous ces mois. Et aujourd'hui, nous avons Olivier Asselin et Simon Van Vliet qui vont faire cette chronique avec nous. Alors, bonjour vous deux. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler des médias. Vous allez parler aussi des médias indépendants. Oui, les médias indépendants. Puis, c'est pas rien, là, de parler de médias indépendants. Ça implique de dire indépendant vis-à-vis de quoi? De quelle indépendance on parle, et évidemment, bon, c'est quoi les médias en question? C'est un vaste sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps, Olivier et moi, chacun un peu dans notre degré, là, à différents degrés, sous différents angles. Ouais, puis qui implique tant l'information indépendante en termes journalistiques que tout le range des médias tactiques qui sont beaucoup plus, si on veut, de la création médiatique. Fait qu'en tout cas, on parle de beaucoup de choses en même temps quand on parle de médias indépendants, c'est sûr. Puis évidemment, c'est un vaste sujet. Puis si on regarde 2013, là, en termes d'année médiatique, là, c'est quand même passé beaucoup de choses, autant dans la presse ou dans les médias indépendants que dans les médias grand public. Je sais jamais comment les appeler, là, mainstream, corporatiste, corporatif, commerciaux. C'est toujours un peu difficile de décrire. Mais évidemment, je parle des grands empires de presse, là, qui se concentrent de plus en plus. Cette année, ben, on a encore eu droit à un épisode de concentration quand Bell a racheté Astral Media, puis est devenu, comme de ce fait-là, un des plus grands conglomérats de médias au Canada. Bon, il l'était déjà, mais il est devenu encore plus. C'est tout ça. Hein, quand on parle de médias indépendants, finalement, on parle de médias qui s'inscrivent dans un autre cadre que ce cadre-là, qui est le cadre commercial capitaliste des médias de masse. Puis, dans le fond, nous, on parle de médias de masse, mais plutôt, je dirais, de masse de médias, là. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits médias indépendants qui font plein de choses à leur échelle. Puis cette année, ben, Ali a organisé avec plein de gens un rassemblement, tous ces gens-là, dans l'événement Masse et Médias. Je sais pas si tu veux peut-être nous en parler un peu. Ouais, ben en fait, c'est venu d'un souci de se questionner par rapport à l'état, finalement, des médias indépendants. On se souvient qu'en début 2012, il y a eu certains phénomènes dans les réseaux de médias indépendants. Le CEMAC, entre autres, qui a été mis un peu sur la glace à ce moment-là, un peu archivé, comme on sait. Il y a eu Vidéo Distorsion à ce moment-là qui est aussi tombé, manque de moyens, d'implication, peu importe. Mais en tout cas, ça a comme sonné l'alerte un peu chez du monde qui disait « Wow, il y a... » C'est comment on fait pour assurer une pérennité de nos médias indépendants? Puis c'est de là qu'est venue l'idée de se faire une soirée de célébration, de réseautage, mais c'est ça, axé sur aussi le ludique, puis la célébration de ce qu'on fait plutôt que juste quelque chose de très sérieux, straight, puis finalement plate, là. Fait que ça se voulait, c'était ça le début de l'affaire. Après ça, moi j'avais un projet personnel de VJing, documentaire que je faisais dans le cadre de ma maîtrise que j'ai comme porté à l'intérieur de cette soirée-là, mais c'était vraiment un événement de groupe large, puis c'était vraiment cool. Alors, c'est un peu un événement qui a marqué l'année dans les médias indépendants. Tu voulais aussi parler de Média Libre. Oui, ben Média Libre fait partie, en fait, de cette espèce de nébuleuse d'initiatives de médias indépendants aujourd'hui au Québec, à Montréal, au Canada. Puis, bon, Média Libre, c'est en soi un rassemblement de personnes aussi qui font du média indépendant. Mais il y a, je pense, à 99% médias, il y a GAPA, il y a, bon, CKUT, CUTV, les Alter Citoyens, il y a plein de monde qui font du média indépendant. Puis, fait que moi, je pense que si on veut dresser un état de la situation au niveau des médias indépendants, faut pas oublier qu'il y a une richesse, il y a une diversité, puis il y a vraiment une effervescence des médias indépendants. Faut pas dépeindre le tableau comme quoi c'est noir, puis c'est genre ça va pas bien. Au contraire, moi, je pense qu'il y a une super diversité, mais il y a définitivement un problème de pérennité, puis de comment on fait pour survivre, pour rester, puis pour être capable d'établir des bases dans le long terme dans les médias indépendants. Puis aussi là-dessus, il y a des coordinations qui se créent. Comme dernièrement, à la salle FI, il y avait cette projection commune de GAPA, 99 médias, les Alter Citoyens, mais aussi plein d'autres, dont toi, Oli. Ouais, cours critique, ça s'appelait. Ouais, c'est une belle initiative, la gang du 99% médias. Puis, ben c'est ça, faut juste démultiplier les initiatives comme ça, je pense. Puis, à un moment donné aussi, il faut arriver à se positionner ensemble sur qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui va changer notre situation. Parce que le problème, c'est que chacun de ces groupes-là, chacun de ces collectifs ou ces personnes-là, a tellement de la misère à juste produire ce qu'il y a à produire puis à faire ce qu'il y a à faire que personne n'a jamais le temps finalement d'essayer de rassembler ce monde-là ensemble puis d'essayer de se constituer en rapport de force pour aller chercher des moyens auxquels on a droit parce que je veux dire l'indépendance de l'information justement comme on le disait Simon tantôt ça va pas bien en général là. C'est fait que il y a comme un besoin dans notre démocratie de poser une indépendance aux médias là. Ouais, puis se donner des structures de presse indépendantes là, c'est un peu ça le puis on voit quelques exemples, bon la Media Coop qui est là depuis 10 ans avec le Dominion puis qui a tout son réseau de sites de nouvelles locales qui brouille les frontières aussi un peu entre le journalisme au sens traditionnel ou classique du terme là, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour produire du contenu pour un média, puis le blog ou la tribune, finalement le forum, c'est la Media Coop, devient une espèce de forum public où tout le monde peut publier de l'information, puis là, bon, le collectif éditorial repasse après ça pour voir est-ce que les articles, tu sais, bon, y a tout un processus là qui est mis en place, c'est un modèle, il y a le modèle de la... Si je peux me permettre, on censure presque jamais quoi que ce soit sur la coop. Mais effectivement, sur la coop, s'il y a des trucs sexistes, oppressifs en général, racistes, on va censurer, mais au début, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est comme une espèce de plateforme sans ligne éditoriale imposée, c'est-à-dire que la ligne éditoriale se crée un peu naturellement du fait du type d'article, puis du type de sujet, puis du type de couverture en fait qui est proposé quand on parle d'une couverture grassroots, là, une couverture de bas en haut, ben c'est les gens les plus proches des enjeux qui témoignent puis qui rendent compte des situations, puis ça change complètement le rapport à l'information par rapport à ce que nous proposent les grands médias conventionnels qui prétendent avoir une certaine distance par rapport au sujet dont il est question, mais qui souvent, quand on gratte un peu, on se rend compte que si le journaliste ou la journaliste a une distance critique par rapport au sujet, ben le propriétaire du média qui paye ce journaliste ou cette journaliste-là pour écrire sur un sujet a peut-être des intérêts cachés ou pas si cachés. Et puis, ben ça, si ça teinte pas nécessairement la couverture individuelle du journaliste ou de la journaliste, ben ça va teinter le choix éditorial de photos qu'on va mettre avec, ça va teinter le choix de publicité qu'on va mettre à côté éventuellement, ça va teinter le choix de lignes éditoriales que les éditorialistes puis les chroniqueurs vont prendre, puis ça se fait insidieusement aussi là. C'est pas comme on n'est pas à l'époque là de la dictature de la propagande soviétique où est-ce que c'est des journaux complètement contrôlés qui écrivent ce que le parti veut entendre. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est beaucoup plus pervers aussi comme comme perméabilité dans le fond entre les intérêts privés capitalistes des propriétaires de grandes entreprises de presse puis le travail soi-disant désintéressé des journalistes qui travaillent dans ces médias-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas dans les médias indépendants parce que souvent, c'est des organismes communautaires, c'est des organismes à but non lucratif qui ont pas d'intérêt capitaliste là, caché ou ouvert derrière tout ça. C'est clair que je pense que la preuve est plus à faire entre la concentration des propriétés médiatiques puis l'évacuation de certains contenus, de certaines nouvelles ou du moins le formatage final de l'information. D'ailleurs, tu disais, c'était le 25e anniversaire cette année de l'écrit de Chomsky, je pense. Ouais. Le Manufacturing Consent. Bon, mais pour venir à Media Coop, comme modèle. Je trouve effectivement c'est intéressant. Puis on peut faire le parallèle avec Mediapart en France, qui fait la nouvelle ces jours-ci à cause du fisc, là, qui sont partis en guerre contre eux autres. Étonnamment, il y a dans la dernière année, il y a eu plusieurs scandales à l'Élysée que Mediapart a sorti dans son portail internet. Donc, évidemment, on se demande. Mediapart accuse évidemment le fisc de genre de jouer de la petite politique, de se mêler finalement de politique partisane là-dedans pour essayer de tuer le site. Mais le format lui-même est encore une fois quelque chose de super intéressant en termes d'informations alternatives. Puis eux autres ont réussi finalement à assurer une pérennité puis une santé financière aussi en omettant par exemple à avoir recours aux publicités. Puis ça c'est vraiment cool. Bon, eux autres dans leur cas c'est un membership, c'est une quote-part si on veut, un peu à la manière d'une structure coopérative là, je crois. Mais fait que ici, on est dans l'utilisateur-payeur. Est-ce que c'est la grosse solution? Je suis pas sûr, là. Moi, je suis pas vraiment dans cette idée-là. Par contre, ils ont réussi à éviter d'avoir à survivre grâce à la pub, ce qui est un gros morceau. Mm-hmm. Puis effectivement, la question du financement, c'est un peu le nerf de la guerre, finalement, de l'indépendance médiatique, de l'indépendance de l'information. Puis bon, là, on parlait de la Media Coop, dont je pense que tous les trois ici, on est membres. Il y a le Journal Ensemble, qui est une autre structure dont moi, je suis membre, Ali aussi, qui prend une autre approche, qui dit, nous, dans le fond, on fonctionne quand même en partie grâce à la publicité, je dirais jusqu'à présent encore majoritairement grâce à la publicité. L'objectif, c'est d'aller chercher au moins des revenus équivalents ou supérieurs à la publicité en abonnement pour réduire la dépendance aux abonnements. Mais tu vois, avec le Journal Ensemble, ce qu'on fait, c'est que on donne une structure pour du journalisme professionnel, c'est-à-dire où est-ce que on veut payer les journalistes, et les articles qui sont publiés dans le journal, ce sont tous des articles pour lesquels les journalistes sont payés. C'est un choix qu'on a fait parce que on considère que le journalisme, c'est quand même c'est une vocation, oui, mais c'est aussi une profession, puis il faut qu'elle puisse être exercée dans certaines conditions qui favorisent une indépendance économique pour les journalistes, pour qu'ils soient pas soumis dans le fond à des pressions économiques de la part de leurs employeurs, ou qu'ils ne soient pas tentés par la corruption, si je peux dire, que ce soit au niveau politique ou au niveau commercial, c'est-à-dire de se mettre à écrire des articles qui sont à moitié des publicités. Et puis ça, c'est le choix qu'on fait au Journal Ensemble. C'est un choix risqué dans la mesure où on est quand même dépendant de la publicité jusqu'à preuve du contraire, et que on génère des revenus qui sont suffisants pour payer les journalistes, mais pas pour les payer de façon particulièrement... c'est-à-dire, on les paye bien comparé à la moyenne de ce que les journalistes pigistes peuvent gagner, mais c'est encore très peu, là, les conditions de travail des pigistes. Ça, c'est un autre sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions cette année, notamment à l'Association des journalistes indépendants, bon, qui organisait les États généraux du journalisme indépendant à la fin du mois de septembre, puis c'est qui relevait... C'est un sujet dont on pourra discuter aussi dans d'autres chroniques. Voilà, puisque c'est... Et nous allons devoir conclure bientôt. D'accord. Et s'il y aurait un dernier mot à dire pour cette première chronique sur les médias indépendants? Soyons le média, je sais pas trop, là. Je vais sortir. Ben moi, j'irais avec mon bon vieux slogan « Vive la convergence des contenus sans concentration de la propriété ». Finalement, l'indépendance de l'information, c'est ça. Puis, dans le fond, l'indépendance qu'on cherche, c'est l'indépendance vis-à-vis la commercialisation de l'information. Je pense que c'est là qu'on est. C'est ça l'enjeu. Puis c'est de ça qu'on va discuter, je pense, dans les prochains mois, là, sous différents angles. Avec plaisir, ben oui. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Yeah. Puis on vous recevra comme ça à chaque mois.